Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, que fait-on lorsque l'on pense ? On pourrait penser que penser, cela consiste tout simplement à penser, sans qu'on puisse en dire beaucoup plus sur ce qui sous-tend et organise notre activité mentale. Or, à l'examen, on constate que le fait de penser mobilise tout un ensemble d'activités cognitives, certaines liées à la perception, d'autres à la mémoire, d'autres encore au raisonnement. Penser, écrit Camus dans le mythe de Sisyphe, ce n'est pas unifier, ce n'est pas rendre familière l'apparence ou le visage d'un grand principe. Penser, c'est réapprendre à voir, diriger sa conscience, faire de chaque image un lieu privilégié. Fin de citation. Penser est en outre une action qui s'effectue toujours en visant un certain but, ce qui conduit la pensée à toujours interroger ce qu'elle produit en relation avec le but poursuivi. Elle se demande, en son fort intérieur, si l'on peut dire, « Suis-je parvenu à un résultat satisfaisant ? Dois-je persévérer dans mon effort ? Le but que je vise n'est-il pas trop ambitieux ? Tout ce jeu avec mon esprit en vaut-il la chandelle ?» Alors je vous propose aujourd'hui que nous analysions plus en détail ce que nous faisons lorsque nous pensons. Et c'est pourquoi j'ai invité Joël Proust. Bonjour. Bonjour Étienne Klein. Vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste de ce qu'on appelle la philosophie de l'esprit. Vous travaillez à l'Institut Jean Nicot de l'École Normale Supérieure et vous êtes intéressé à la question notamment de la pensée chez les animaux. Vous avez un livre intitulé « Les animaux pensent-ils ?». Vous êtes également intéressé aux perturbations de la conscience d'agir dans la schizophrénie ou dans l'autisme. Et de façon plus générale, vous vous intéressez à ce qu'on appelle la métacognition. Vous avez d'ailleurs récemment publié avec Martin Fortier un livre collectif intitulé « Métacognitive Diversity ». Et depuis janvier 2018, vous êtes membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui est présidé par Stanislas Dehaene. Et vous êtes chargé d'animer dans ce conseil, avec Sid Quider, le groupe de travail qui porte un nom sur lequel on devra revenir, métacognition et confiance en soi. Alors j'ai une première question, Joël Proust, à propos de la philosophie de l'esprit. En quoi consiste-t-elle ? Oui, le terme philosophie de l'esprit est assez bizarre en français. C'est la traduction de l'anglais philosophy of mind, qui a un aspect plus, disons, séculier que la philosophie de l'esprit qui évoque Hegel et des choses qui ne sont pas en fait font partie du domaine de la philosophie de l'esprit telle qu'on l'entend aujourd'hui. La philosophie de l'esprit, c'est en fait la philosophie de la cognition, des échanges informationnels entre l'esprit et son environnement, et aussi naturellement du caractère interne ou externe des contenus mentaux. Est-ce que les contenus mentaux sont simplement le produit de relations entre des éléments innés, comme l'aurait pensé Jerry Fodor à un certain moment de son travail, ou est-ce que les liens avec le monde extérieur sont de type externaliste, c'est-à-dire que nous faisons référence à des significations et à des objets qui ne dépendent absolument pas de notre pensée pour exister, et donc le contenu intentionnel est externe et non pas interne à l'esprit. Mais vous intéressez à des expériences ou vous ne faites que lire des livres écrits par des philosophes de l'esprit ? Oui, la question est biaisée. Vous savez très bien sans doute que je travaille depuis très longtemps de façon interdisciplinaire. C'est-à-dire que la philosophie de l'esprit pour moi doit s'appuyer sur des données scientifiques. Quand ces données scientifiques existent déjà, son travail n'est évidemment pas simplement de les recopier, mais de produire des concepts qui tiennent compte de l'existence de ces relations causales entre l'esprit et enfin, ses différentes composantes. Donc de ce point de vue, il m'est apparu très tôt que lorsque les données manquaient, il s'agissait de les collecter soi-même, d'inviter des scientifiques à le faire. Là, j'ai eu la chance pendant 5 ans et demi d'avoir un projet interdisciplinaire que j'ai pu diriger avec des scientifiques, dont beaucoup de psychologues du développement et des anthropologues, ce travail m'a permis d'approfondir nombre d'aspects philosophiques de la pensée, mais également de faire des avancées scientifiques grâce à ce travail interdisciplinaire. J'imagine que vous collaborez aussi avec des gens qui travaillent dans les neurosciences. Oui. Et est-ce que c'est facile pour vous de trouver un vocabulaire commun, enfin d'arriver à traduire les concepts qui viennent de votre propre discipline en étant en même temps capable d'absorber ceux qui viennent d'ailleurs? C'est un défi constant. C'est-à-dire que l'absorption demande un travail personnel très très important, puisqu'il s'agit de lire tous ces travaux de neurosciences et de les comprendre, éventuellement de se les faire expliquer, d'en discuter la valeur méthodologique. Mais réciproquement, la difficulté principale, c'est tout de même de se faire comprendre dans ses propres questionnements philosophiques lorsqu'on va vers des scientifiques. Aujourd'hui, il y a d'énormes progrès dans cette capacité de communiquer et de trouver un vocabulaire commun, je dirais. Il y a aussi des scientifiques particulièrement réceptifs. Je pense par exemple à Marc Jeanneret, avec lequel j'ai collaboré. Malheureusement, il est décédé depuis quelques années. Mais Marc était extrêmement sensible à la philosophie de l'action et l'utilisait dans ses propres travaux. Parce que la philosophie de l'action lui procurait des références conceptuelles, des façons de penser qui n'étaient pas présentes dans les neurosciences de l'action. Donc il a contribué à les intégrer aux neurosciences de l'action. Joël Proust, pour préparer cette émission, j'ai essayé de trouver des définitions de ce qu'on appelle la pensée. Qu'est-ce que veut dire penser? J'en ai trouvé de multiples. Et avant de vous faire parler de vos propres travaux, je voulais vous faire réagir à un petit nombre de citations, de philosophes qui expliquent ce que veut dire penser. Par exemple, Alain, c'est une citation qu'on trouve assez souvent dans les sujets de bac. Le philosophe Alain dit « Penser, c'est dire non. C'est nier ce que l'on croit, c'est dire non à sa pensée. Qui croit ne sait même plus ce qu'il croit. Qui se contente de sa pensée ne pense plus rien. » Est-ce que ça évoque quelque chose ou est-ce que c'est simplement des phrases pour vous? Non, ça évoque tout à fait quelque chose, mais en même temps, il me semble qu'il est extrêmement normatif dans sa définition de la pensée. Si on devait s'en tenir à sa définition, à peu près 80% de notre activité mentale ne compterait pas comme pensée. Et je trouve que ça n'a pas de sens sur le plan évolutionnaire de dire ça. Nous avons une grande partie de nos pensées qui sont impulsives, non critiques, et qui nous servent aussi à nous débrouiller des situations de la vie ordinaire, et en particulier dans la communication. Mais c'est-à-dire que les réflexes seraient déjà une forme de pensée? Alors, ce qu'on appelle réflexe est déjà sujet à discussion. Qu'est-ce qu'un réflexe? Si c'est le réflexe rotulien, il n'y a pas de pensée. Mais dans ce que j'appelle la pensée impulsive, je pense que ça vaut absolument comme pensée, parce que précisément, elle utilise l'information prédictive que le cerveau met à la disposition de l'esprit à chaque instant pour faire ses choix et prendre des décisions rapides. Ces décisions rapides, elles sont incontournables pour la survie. Donc j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, je pense que c'est pas juste de limiter la pensée à ses aspects critiques les plus élevés. Bon, je pense que vous allez dire la même chose, Joël Proust de Bachelard qui disait, il parlait de la pensée scientifique, lui disait faire de la science, c'est penser contre son cerveau, qui est une expression un peu paradoxale parce qu'on pense avec son cerveau évidemment, mais c'est accepter des énoncés, des lois par exemple, qui sont en apparence en opposition avec ce qu'on pense spontanément. Donc c'est apporter une sorte de démenti à des préjugés, à ce qu'impose le sens commun. Oui, ça c'est parfaitement juste, vrai, correct. Ça va. Pas de problème. Une belle anagramme d'ailleurs pour vous. Penser contre soi-même a pour anagramme comme serpenter en soi. Ça vous parle? Ah oui, c'est magnifique. C'est une sorte de métacognition. Oui, en effet. Alors justement, on va y venir parce que c'est un terme qui est assez peu utilisé, et quand il est parfois, il me semble, avec des définitions qui ne sont pas très claires ou qui sont contradictoires entre elles. C'est vrai. Donc qu'est-ce que vous-même vous appelez la métacognition, sachant que vous avez publié, enfin dirigé avec Martin Fortier, ce livre que je citais tout à l'heure, Metacognitive Diversity. Dans diversité, il y a l'idée qu'il y a peut-être plusieurs façons de penser la chose. Oui, alors la métacognition dans sa définition, disons scientifique, reconnue, en particulier en psychologie expérimentale, c'est le contrôle et le suivi de ces actions cognitives. Qu'est-ce que c'est qu'une action cognitive? C'est une action dans laquelle l'objectif est d'atteindre un but informationnel. Par exemple, vous fouillez votre mémoire pour trouver un nom propre. Vous avez un but, c'est retrouver ce nom propre. Et la métacognition vous permet de prédire, avant même de l'avoir retrouvé, si vous s'il est probable que vous le retrouviez. Donc la métacognition est prédictive. Alors elle est également rétrospective, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez produit votre résultat, votre nom propre, vous vous demandez si c'est bien celui que vous aviez en tête en le cherchant. Il y a une critique du résultat. En effet, il y a une forme de critique du résultat, mais qui apparaît de façon immédiate et non discursive. C'est vraiment une impression, ou un jugement intuitif, comme on le dit parfois, où vous avez l'impression, vous avez l'expérience que vous avez donné le bon mot, ou au contraire que vous ne l'avez pas donné. Mais ce qui est premier dans cette sorte d'aventure de la pensée, c'est le but qu'on se donne. Il faut d'abord se donner un but qui déclenche l'action cognitive qui lui correspond. Alors, on se le donne, mais pas forcément de façon réfléchie. Ça peut être également de façon impulsive. Pourquoi ? Parce que le jugement réfléchi, la planification de l'action prend du temps et des ressources. Vous ne pourriez pas planifier chaque étape de votre traitement de l'information. Donc très souvent, le cerveau perçoit un signal d'erreur de façon d'ailleurs inconsciente. Et ce signal d'erreur va déclencher une révision, une correction, voire un changement d'action. J'imagine que, mais on en parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission, que ça a des conséquences sur l'éducation, puisque il se peut qu'un élève se donne des buts, ou on lui donne des buts qu'il juge trop ambitieux pour ses propres capacités, en tout cas telles qu'il les estime lui-même, et du coup il abandonne ou il renonce. Donc vous avez parfaitement raison, c'est crucial, et c'est pour ça que la métacognition est un des thèmes clés d'études dans le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Donc vous y avez toute votre place. Bah écoutez, cherche. Bon. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur la pensée animale, et notamment à propos de la question, est-ce qu'on a le droit de parler d'une pensée animale ? Alors, il y a plusieurs arguments qui militent dans ce sens. Par exemple, le fait que nous partageons l'essentiel de nos ressources génétiques avec d'autres primates. Et donc, si on leur ressemble, ils doivent avoir eux aussi certaines de nos capacités cognitives. Est-ce que ce raisonnement est juste ? Ce raisonnement est juste, mais il n'est pas suffisant, il me semble. Il faut aussi des arguments comportementaux et neuroscientifiques que nous avons maintenant. C'est-à-dire que les psychologues comparatistes, comme par exemple Mike Baran ou David Smith et bien d'autres, ont proposé à des singes, je ne parle pas des grands primates, je parle des singes, rhésus, des tâches, comme est-ce que je vais pouvoir me rappeler ça, est-ce que je discrimine vraiment deux cibles dans une présentation. Et les animaux réussissent exactement comme les humains à ces tâches. C'est-à-dire qu'ils présentent les difficultés là où elles sont effectivement présentes. Là, vous parlez des animaux ou des singes ? Des singes, mais en fait, ça se généralise, c'est pour ça que j'ai dit animaux, et ça se généralise à beaucoup d'autres espèces, en particulier les rongeurs sont d'excellents métacogniciens aussi, mais en ce qui les concerne, on étudie leur olfaction. Est-ce que les réflexes que les animaux ont sont des choses qu'on peut modifier ? J'ai lu dans vos travaux que vous parlez assez longuement d'un cas assez particulier qui est l'aplésie, qui est le lièvre de mer, qui est une sorte de mollusque qui vit par exemple dans la baie d'Arcachon et qui semble être capable d'être conditionné. On peut lui faire travailler ses réflexes et les modifier. Oui, alors l'aplésie, en effet, elle est conditionnable, ce qui présente l'intérêt de démontrer que l'apprentissage se fait chez l'aplésie avec les mêmes mécanismes de base que chez l'homme. Mais ça ne veut pas dire que l'aplésie est capable de métacognition. Non, j'ai pas dit ça. D'ailleurs, vous ne l'êtes pas vous-même. Mais l'aplésie, c'est un animal assez simple. Je veux dire, il y a un nombre de neurones. Oui, très peu. Des gros neurones. C'est pour ça qu'on peut les étudier facilement. Et alors, comment est-ce qu'on a pu voir que l'aplésie était capable de modifier ses réflexes par une sorte d'apprentissage ? Comment ça peut se... Écoutez, j'ai plus en tête, évidemment, ce travail. C'était Kandel qui avait fait ça. Pourrais vous montrer vos transparents. Mais bien sûr, ça peut se démontrer expérimentalement. Vous soumettez l'animal à des modifications de son environnement et vous voyez s'il s'y adapte et qu'est-ce qui se passe dans ses neurones à ce moment-là. Et vous parlez également des araignées. Vous posez la question, est-ce que les araignées pensent ? Et ma question, c'est comment est-ce qu'on peut le savoir ? Ah, là aussi, il y a des travaux expérimentaux très intéressants sur l'araignée, pas encore neurosciences de l'araignée, mais il y a des travaux expérimentaux très intéressants où on leur propose des choix. Est-ce que poursuivre telle ou telle proie, étant donné telle et telle circonstance, et on voit que les araignées, là aussi, sont capables de s'adapter. Il y a le cas particulier, d'après ce que j'ai trouvé dans vos travaux, des araignées dites sauteuses, oui, qui sont capables de former des images visuelles de leur proie, oui, ne font pas les autres araignées. Écoutez, moi je ne suis pas une spécialiste de l'araignée, là pour le coup j'avais pris ça dans le cadre d'une démonstration sur les différents niveaux de cognition. Je ne dis pas que l'araignée, encore une fois, a une cognition extraordinairement complexe, mais c'est vrai que l'araignée sauteuse peut reconnaître le type de proie possible et elle doit faire cette reconnaissance pour cibler les bons centres nerveux de sa proie, pour la piquer là où il convient. C'est une reconnaissance visuelle en fait. Voilà, c'est une reconnaissance visuelle. Elle peut reconnaître par la vue des objets différents. Oui, elle peut le faire aussi de différentes perspectives, c'est-à-dire la reconnaître sous un autre angle, etc. Bon, vous avez compris que c'est un sujet sur lequel je ne connais rien, donc vous excuserez la naïveté de mes questions, mais par exemple, est-ce que le fait de penser suppose de pouvoir rectifier ses erreurs ? Est-ce que la correction, est-ce que c'est ça la métacognition ? Est-ce que ça inclut le fait de pouvoir corriger par la pensée ce que la pensée nous amène à penser ? C'est en effet le centre même de la fonction de la métacognition que de rectifier ses erreurs, et de le rectifier non pas comme on le fait dans l'apprentissage par conditionnement, c'est-à-dire par une répétition très lente qui va modifier les poids synaptiques au bout d'un certain nombre d'essais, souvent c'est donc l'affaire de beaucoup d'essais au cours desquels l'animal peut finalement disparaître. La métacognition permet une révision immédiate, en tout cas pour un organisme qui a déjà calibré ses mécanismes métacognitifs. Le calibrage lui-même prend du temps, mais une fois que les mécanismes sont calibrés, vous pouvez immédiatement repérer l'erreur et y remédier. Alors, j'ai une autre question, il faudra là encore excuser ma naïveté. Est-ce que pour penser, il faut avoir conscience de soi ? Est-ce qu'il faut pouvoir associer un je pense, au fait de penser, ou est-ce qu'on peut imaginer que la pensée soit une sorte d'activité flottante qui ne suppose pas que l'individu ait conscience de lui-même ? Alors, c'est une question très intéressante, philosophiquement en particulier, parce que la notion de soi se trouve correspondre à plusieurs niveaux de représentation. On a tendance à penser qu'on est une entité, une essence, soi-même, mais en réalité, la représentation qu'on a de soi, le concept de soi, se subdivise en de multiples dimensions. La métacognition est une des façons d'exercer une forme de rapport à soi-même, à son propre système informationnel, mais il ne présuppose pas la perception de soi comme une entité qui continue dans le temps. Ça, cette perception-là, elle est spécifiquement humaine. Le fait de pouvoir se réidentifier au fil du temps, ça, c'est une idée de Locke qui a été très, très étudiée par les contemporains aujourd'hui. Mais cette notion de soi continu n'est pas nécessaire à l'idée de métacognition. Mais en revanche, on peut plaider que sans la métacognition, cette idée de soi continu ne serait pas possible. C'est sans doute parce qu'on a, comme le soutenait Locke d'ailleurs, le souvenir de ses précédents états mentaux que l'on peut commencer à comprendre qu'on existe au fil du temps comme une entité qui se continue à elle-même. Mais est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir de la part du sujet, qu'il soit humain ou animal, une métacognition sans qu'on lui associe une pensée ? Alors ça, par contre, je pense que c'est contradictoire, puisque la métacognition est le suivi, le contrôle et le suivi de la pensée. Donc il faut qu'il y en ait une d'abord. Il faut qu'il y ait une pensée pour qu'il y ait la métacognition, en effet, oui. Alors nous allons écouter, si vous voulez bien, Joël Proust, le premier morceau de musique que vous avez choisi. Et je crois que c'est un morceau de Vivaldi, mais revisité. C'est les quatre saisons, en fait. Les quatre saisons revisitées par Marc Richter, oui. Thank you. Proust, vous avez choisi donc les quatre saisons de Vivaldi, mais revisité par Richter, y aurait-il un lien entre ce magnifique morceau et la métacognition? J'ai choisi cette pièce parce qu'elle permet d'illustrer de façon très concrète ce qu'est la métacognition. Quand vous entendez les premières mesures de l'été de Vivaldi, c'est une musique familière à tous. Mais cette familiarité, Richter estime qu'elle détruit l'information que vous recevez parce que vous ne l'écoutez plus. Vous n'entendez pas de quoi elle est faite. Et donc ce qu'il s'est proposé, lui, c'est de lui redonner un sens. Et donc en perturbant vos attentes, à vous pousser à l'écouter beaucoup mieux. Et c'est vraiment... À mon avis, ce que fait l'art en général, c'est exactement ça. C'est un travail infini, parce que si on s'habitue à cette version, elle va devenir à nouveau tellement habituelle qu'on ne l'écoutera plus. Il faudra à nouveau la perturber pour qu'elle devienne audible de façon originale. Mais c'est toute l'histoire de l'art qui suit ce type de dynamique. C'est-à-dire que quand vous êtes habitué à une forme d'art, ça devient un académisme. Et les artistes vont bousculer cet académisme, parfois en l'utilisant, et comme l'a fait Richter pour Vivaldi, mais on peut penser à... Mais est-ce qu'on pourrait dire la même chose de la pensée? Qu'elle ne cesse pas de retravailler ce qu'elle a eu l'habitude de ce à quoi elle s'est habituée finalement? Alors là, pour la pensée, c'est très complexe, hein, parce que nous avons tellement de buts informationnels différents, qu'il n'y a pas une réponse unique pour tous ces buts informationnels. Il y a des buts informationnels dans lesquels vous ne voulez pas perturber votre calibrage. Là, je vais introduire un mot technique, c'est l'affluence. Qu'est-ce que c'est que l'affluence? C'est l'impression de facilité de traitement qui, en fait, se décline de façon extraordinairement différente selon les contextes. Par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez déjà, vous avez un sentiment de familiarité. Est-ce que votre ressenti, c'est un ressenti spécifique, émotionnel, de connaître cette personne? Même si vous n'avez pas encore retrouvé son nom, vous allez vous préoccuper immédiatement de le trouver. C'est-à-dire que vous allez diriger vos ressources vers l'effort de retrouver son nom, son identité. Mais quand vous faites un travail perceptif de discrimination, il s'agit de discriminer par exemple deux oiseaux, l'un de l'autre, si vous êtes un amoureux des oiseaux, vous devez savoir quelle sous-espèce est présente ici, eh bien là aussi, vous allez vous appuyer sur votre métacognition pour savoir si vous êtes capable de le faire, et une fois que vous l'avez fait, si c'est le bon résultat. Et là aussi, vous allez vous appuyer sur, sans le savoir, parce que c'est ce qu'on appelle une heuristique, c'est une méthode prédictive que le cerveau utilise en permanence, mais sans vous dire « voilà mon heuristique ». Le cerveau utilise une heuristique pour savoir si l'évaluation qu'il a faite est bonne ou non. Donc la métacognition intervient aussi à ce niveau-là, à partir de l'affluence. Mais l'affluence a beaucoup, beaucoup d'autres applications. Donc on appelle ça les tribus de l'affluence dans la littérature. Si les auditeurs s'intéressent à cela. Les tribus The tribes of fluency. C'est une littérature anglo-saxonne, malheureusement. Mais les tribes of fluency, c'est toutes les multiples applications du sentiment de facilité de traitement qui se décline différemment selon les contextes. Alors pourquoi se décline-t-elle différemment? C'est une question très intéressante que j'étudie actuellement. Pourquoi avons-nous des sentiments différents lorsque nous trouvons un théorème correct, lorsque nous trouvons deux oiseaux différents, ou lorsque nous trouvons une musique bien connue? Voilà une question très intéressante parce qu'il est probable que dans ces trois cas, la rapidité de traitement cérébral, qui est inspectée par le cerveau lui-même en permanence, joue un rôle permettant au cerveau de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est agréable, c'est pas agréable, c'est vrai, c'est faux. Est-ce que le cerveau est capable de s'applaudir lui-même? Exactement, il est capable de s'applaudir lui-même. Quand il trouve une démonstration en mathématiques. Alors là, le sentiment de beauté en mathématiques est un très bon exemple de ce plaisir. La joie intellectuelle. La joie intellectuelle, le sentiment de eureka. Tout ça, ce sont des sentiments qui sont liés au plaisir d'avoir atteint un but d'une façon plus rapide qu'on l'espérait. Donc ça, c'est très intéressant de voir. C'est que le cerveau, oui, quand il se donne un but, estime une durée pour l'atteindre. Il a une certaine absolument préfiguration de l'effort qu'il va devoir fournir. Alors, ces heuristiques inconscientes sont actuellement étudiées de façon neuroscientifique et nous en savons un peu plus. Déjà, Daniel Kahneman avait repéré un certain nombre d'heuristiques qui jouaient un rôle dans le repérage ou le pseudo-repérage, souvent des illusions de savoir. Mais actuellement, nous avons des travaux justement sur les rongeurs et sur les singes rhésus qui nous permettent d'en savoir beaucoup plus sur les heuristiques inconscientes. Le temps total de traitement en est une, mais également le nombre des assemblées de neurones impliquées dans les différentes réponses possibles, c'est-à-dire si toutes les réponses convergent vers une même décision et convergent rapidement, nous avons là un sentiment plus grand, soit de qu'on pourra le faire, soit qu'une fois la réponse est donnée, qu'on l'a correctement apportée. Donc ces heuristiques, en plus, semblent impliquer beaucoup de segments différents de notre personne, pas seulement les neurones dont je viens de parler, les assemblées de neurones, mais également des aspects plus centraux, par exemple des aspects endocriniens, le battement cardiaque. Catherine Talon-Baudry de l'École normale supérieure fait des travaux remarquables sur ce sujet. Même les mimiques faciales que nous faisons inconsciemment lorsque nous savons ou ne savons pas, le cerveau est capable de les exploiter également pour moduler son sentiment de certitude ou d'incertitude. Donc la pensée n'est pas une activité décorrélée du sentiment. C'est non seulement pas décorrélé, mais vous faites bien de noter ce point. Sans les sentiments, nous ne pourrions pas penser. Donc ça révise complètement l'opinion classique de la rationalité comme devant prémunir contre l'émotion. Au contraire, sans ces émotions spécialisées que sont les sentiments noétiques, nous ne pourrions pas penser du tout. Nous ne saurions jamais si nous sommes dans le vrai ou dans le faux. Pourtant, quand on pense, quand on fait court, par exemple, on essaie d'être, entre guillemets, objectif et de laisser de côté des marques de subjectivité qui seraient trop prononcées et qui pourraient contaminer l'objectivité dont on se réclame. Une certaine froideur obligatoire quand on enseigne. C'est tout à fait juste, mais là encore, il y a beaucoup de niveaux différents qui sont impliqués par les affects. Les affects noétiques dont nous parlons sont un domaine très précis du contrôle de la pensée, qui est fondé sur l'information disponible. Même ce type de contrôle peut ne pas être fiable s'il est mal calibré ou s'il est sujet à des illusions, ce qui arrive, et comme l'avait bien montré Daniel Kahneman, par exemple, l'heuristique d'accessibilité vous fait penser que les choses que vous connaissez déjà ont en réalité beaucoup plus d'importance dans la nature qu'elles n'en ont. Enfin, vous pensez qu'elles ont une importance plus qu'elles n'en ont en réalité. Mais cette expérience est néanmoins notre pilote en permanence pour savoir si nous sommes en gros sur la bonne piste ou si nous nous trompons. Quand maintenant nous devons communiquer, nous gommons tout cet affect, en effet. C'est capital pour être perçu comme un sujet capable d'argumenter de façon froide. Et là, c'est les émotions sociales que nous contrôlons, ce ne sont pas les émotions noétiques. Il y a un autre terme anglais que vous utilisez, Joël Pau, c'est l'affordance, un terme qui a été, je crois, proposé par Gibson en 1977. Comment est-ce qu'on pourrait le traduire ? Enfin, qu'est-ce qu'il désigne ? Écoutez, si on le garde en français, c'est que c'est difficile à traduire. Mais en fait, ça vient de l'allemand, Aufforderung. C'est Kurt Lewin le premier à l'avoir utilisé, et ça a été traduit par Affordance, bien avant Gibson, par Tolman. Et ensuite, Gibson s'en est emparé avec un sens très particulier et propre à Gibson. Gibson pensait que nous avons un rapport cognitif au monde qui n'est pas médié par des représentations. et même pas par de l'information. Donc ça rendait les choses relativement incompréhensibles pour la plupart des chercheurs aujourd'hui, de dire voilà, si vous dirigez vers un objet qui vous intéresse, ça n'est pas parce que vous avez des représentations de l'objet, c'est simplement parce que vous êtes dans une sorte de couplage dynamique avec cet objet et vous allez vous l'approprier sans besoin, de façon immédiate. Donc c'est la conception écologique, dite écologique, de la perception. Mais cette conception, elle est aujourd'hui très peu suivie. La plupart des chercheurs reconnaissent le rôle essentiel de l'information dans leur comportement dirigé vers des objets, même à ce niveau extraordinairement, en effet, pré-épistémique, c'est-à-dire qui ne suppose pas une représentation propositionnelle du monde. Quand je vois de l'eau et que j'ai soif, je la vois non pas sous la forme propositionnelle, je désire de l'eau, je crois que c'est de l'eau, donc je vais aller vers elle. Ça, c'est la conception philosophique qu'on se fait souvent, mais en réalité, il existe à mon avis une forme d'attitude beaucoup plus fondamentale, qui est une attitude d'évaluation, dans laquelle vous voyez des objets à utiliser, et votre comportement est immédiatement axé vers ces objets de la façon qui correspond à leur utilité. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors je voulais vous faire un petit pas de côté, si vous voulez bien, Joël Proust, à propos de d'Einstein. Hein, on va parler de du père de la relativité pendant quelques secondes, si vous voulez bien, parce que en 1945, Jacques Adamar, qui était un grand mathématicien, a fait une enquête alors qu'il était aux États-Unis. Pour savoir d'où les idées viennent aux grands mathématiciens, aux grands physiciens, théoriciens. Et Einstein a entendu parler de ce questionnaire qu'il envoyait aux chercheurs et il a répondu pour son propre compte d'une façon assez étonnante en disant qu'il avait une pensée musculaire. Alors il dit ceci, les mots et le langage écrit ou parlé ne semblent pas jouer le moindre rôle dans le mécanisme de ma pensée. Les entités psychiques qui servent d'éléments à la pensée sont pour moi certains signes ou bien des images plus ou moins claires qui peuvent à volonté être reproduits ou combinés. Les éléments que je viens de mentionner sont dans mon cas de type plutôt visuel. Donc ils pensent hors du langage. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que tout à fait. Est-ce que c'est de la métacognition? Ah oui, complètement. Ça me parle d'autant plus que justement c'est le sujet présent de mes travaux. J'appelle cette façon de se référer à une image pour fixer sa tâche cognitive, en l'occurrence la recherche sur tel ou tel sujet, je l'appelle indexage du but. Et cet indexage se fait en effet par des moyens non langagiers, des images qui sont soit des images verbales, soit des images visuelles, soit des images proprioceptives, et parfois très étranges, soit des images même auditives non verbales. Alors, j'aime beaucoup le texte de Jacques Adamar, qui m'a beaucoup servi aussi dans mes travaux. Lui-même donne un exemple extraordinaire de la manière dont il se représente sa tâche en théorie des nombres. Quand il pense à son travail, il voit un ruban parsemé de taches qui ont des surfaces plus ou moins grandes. Et le problème qu'il doit résoudre, c'est celui qui est présenté visuellement par ce ruban. Donc effectivement, là on voit qu'il y a un rôle très spécial qui est donné à l'imagerie dans le contrôle de son action cognitive. Et nous ne savons évidemment pas comment l'image précise pour chacun se construit, mais c'est vrai que c'est une image qui est propre à chacun et qui va lui permettre de rester fixé sur la tâche et non pas de la résoudre. C'est vraiment une façon motivante de présenter à soi-même la tâche sur laquelle on est en train de travailler pour exclure du champ attentionnel ce qui n'est pas la tâche. Donc c'est un la fonction de cette imagerie paraît être purement de type ce qu'on appelle exécutif, c'est-à-dire de contrôler l'attention et de faire en sorte qu'elle soit maintenue sur la tâche. Alors pour revenir à Einstein, lui, il a pratiqué à plusieurs reprises des expériences de pensée dans lesquelles il met en scène son propre corps. Il essaie d'imaginer ce que seraient les sensations qu'éprouverait son corps dans telle ou telle situation. Par exemple, s'il était à cheval sur un rayon lumineux, par exemple, s'il était en chute libre, etc. Et donc le corps intervient dans la façon de se représenter les phénomènes. Alors là, c'est une autre façon d'être incarné. Ça n'est plus la construction du but, qui, elle, ne peut pas varier parce que sinon le but changerait. Enfin, il change, bien sûr, mais tant que vous êtes sur le même but, normalement, vous avez la même imagerie ou quelque chose de très voisin. Mais en effet, dans le raisonnement, la modélisation par le corps joue un rôle essentiel. Alors, tout à l'heure, Joël Proust, on posait la question de savoir si pour penser, il faut avoir conscience de soi. Ce qui m'amène à une question sans doute délicate, c'est un bébé, par exemple, ça se met à penser quand ? Immédiatement. Le bébé va avoir un gros travail à faire avec son cerveau, puisqu'il s'agit, on le sait, de découvrir quels sont les neurones dont il a besoin et quels sont ceux dont il n'a pas besoin. Bien sûr, c'est un travail entièrement inconscient et qui se fait automatiquement, mais ça demande quand même une activité permanente, c'est-à-dire d'orientation, de sélection de ce qu'il regarde, de durée de son attention sur un seul et même objet. Et il y a des travaux qui montrent que dès 3 mois, les bébés consacrent l'attention requise à l'encodage et pas plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont encodé, ils changent de foyer attentionnel. Donc il y a quelque chose comme de l'ennui, si vous voulez, qui déjà permet à l'enfant de sélectionner de façon fonctionnelle, utile pour lui, pour le cerveau, pour sa croissance, les objets dignes d'attention. Donc on veut échapper à l'ennui très tôt dans sa propre vie. Absolument, et c'est à ça que sert l'ennui. Joël Proust, j'ai une question encore plus naïve que les précédentes. Est-ce que on a le droit de dire que plus on est intelligent, mieux on pense? Est-ce que cette phrase a un sens? Pour le dire autrement, qu'est-ce qu'on pourrait appeler une pensée rationnelle? Oui, parce que le terme d'intelligence, c'est un fourre-tout très ethnocentrique. Vous connaissez peut-être l'expression « weird » en anglais, W-E-I-R-D, c'est-à-dire blanc, éduqué, provenant d'un pays industrialisé, riche et démocratique. Et nous pensons que tout le monde, l'idéal de l'intelligence, c'est d'être ce que nous sommes. Et je pense que déjà, il y a un problème fondamental. Donc je préfère pas parler d'intelligence en ce qui me concerne. Alors maintenant, la rationalité, évidemment, elle est très liée à l'usage de sa propre métacognition. Donc la métacognition, tout à l'heure j'ai parlé des sentiments noétiques sur lesquels dont elle dépend. Sentiment d'avoir raison, sentiment d'avoir tort, sentiment de facilité du traitement. Mais la métacognition a un département, si je peux dire, de type conceptuel. C'est-à-dire que la culture nous fournit des instruments critiques pour soit éviter les illusions auxquelles sont quand même sujets les sentiments noétiques, soit pour ajouter toutes sortes de raisonnements, de stratégies qui nous permettent d'enrichir notre compréhension de l'erreur et notre compréhension de là où se situe l'information intéressante. Donc ça, c'est évidemment un acquis culturel qui dépend d'ailleurs de la société où nous vivons et qui va nous permettre de bénéficier de l'expérience acquise par les anciens, par nos ancêtres et par les scientifiques aussi, bien sûr, pour déjà élargir le champ de nos connaissances, mais élargir aussi le domaine de notre capacité critique. Joël Proust, le moment est venu d'écouter le second morceau de musique que vous avez choisi. Il est, je crois, de Steve Reich. Thank you. Joël Proust, j'imagine que vous n'avez pas choisi ce morceau de Sivrej par hasard. Non, cette pièce qui appartient au New York Counterpoint, qui date je crois de 1986, c'est une pièce qui me paraît bien illustrer la question de l'ennui ou de l'intérêt. Je crois qu'il y a un certain nombre d'auditeurs en écoutant du Reich qui s'ennuient, parce qu'ils ont l'impression que c'est toujours la même chose. Mais en fait, il y en a aussi qui découvrent que ce que fait Steve Reich par son décalage, son déphasage, c'est de nous apprendre à écouter la musique. C'est de ne pas simplement être dans l'attente relativement stéréotypée de ce que doit être une pièce, mais de nous montrer ce que nous faisons lorsque nous écoutons, lorsque nous consacrons de l'attention à la musique. Et là, nous découvrons une richesse incroyable dans des rythmes et dans des timbres qui, lorsqu'ils sont dans un autre contexte, par exemple une symphonie romantique, etc., qui ne nous apparaissent absolument pas, alors qu'ils sont là. Donc c'est ça qui est phénoménal, je trouve, dans la musique répétitive, c'est qu'elle éduque notre oreille et elle éduque nos goûts aussi, parce que beaucoup de gens, en fait, sont passionnés par la musique répétitive, parce qu'ils découvrent non seulement une forme de musique qui leur paraissait peu probable, mais également ils découvrent les effets de cette musique sur leur propre système en général, sur leurs affects. C'est vrai que cette musique répétitive a des effets stabilisateurs sur les émotions, presque des effets de méditation que beaucoup d'auditeurs perçoivent comme une expérience nouvelle. Donc la notion d'information en musique est quelque chose d'absolument crucial. Il faut comprendre pourquoi nous aimons ou pourquoi nous n'aimons pas une musique, pour nous garder contre un certain nombre de préjugés sur ce qu'est censé être la musique. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors sans transition, on va passer de la question que vous évoquez là, celle de la musique, à celle de la liberté, parce que vous avez publié, Joël Proust, il y a quelques années, un livre chez Gallimard intitulé « La nature de la volonté », dans lequel vous posez la question de savoir s'il y a une liberté de la volonté. Est-ce qu'à votre avis, la question de la liberté, qui est quand même une vieille question de la philosophie, peut être abordée scientifiquement? Oui, alors c'est amusant que cette notion de liberté de la volonté, en fait, c'est une notion standard en science, en anglais « free will ». Mais ce que veulent dire les scientifiques par « free will », c'est pas du tout ce que les philosophes qui parlent de liberté, en général, veulent dire. Et par « free will », en science, on veut dire comment se fait la décision arbitraire de choisir de tourner à droite plutôt qu'à gauche, de prendre tel objet en main, etc. Mais ils veulent pas dire que cette décision se prend sans aucune liaison avec l'état général dans lequel vous êtes, avec la causalité mentale qui organise en fait en général la décision, et même toujours. Donc si on veut défendre la liberté de la volonté au sens philosophique, eh bien il faut considérer qu'il y a une rupture complète entre les mécanismes naturels d'un côté et puis les décisions humaines d'agir de l'autre. C'est ce qu'on appelle un trou causal. Voilà, le causal gap, le trou causal, qui est quand même, à vrai dire, ad hoc. Hein, c'est-à-dire qu'on a besoin de ce trou causal pour défendre la notion. Pour justifier la liberté. Exactement. On échappe au déterminisme sous-jacent qui font qu'on va décider, en fait, parce qu'on est on est déterminé à le faire, et non pas parce qu'on a choisi de le faire. C'est ça. Donc cette position me semble typiquement irrationnelle, puisqu'en fait, elle suppose une argumentation qui, elle-même, assurera le résultat qu'on veut garantir. Donc c'est pas particulièrement convaincant comme forme d'argumentation. Et d'autre part, nous avons de nombreuses preuves empiriques maintenant de la nature vraiment causalement déterminée de nos décisions. Par déterminée, il faut pas penser que nous sommes dans la position de Laplace de savoir quelle sera votre décision, mais cette décision, elle est statistiquement liée à un ensemble de paramètres qui explique que vous l'ayez prise. Ça ne veut pas dire qu'elle est irrationnelle, parce que votre cerveau lui-même, il est construit par des contraintes qui sont de type rationnel. Mais cette question que vous posez, Joël Proust, elle est philosophique, mais elle a des implications multiples, notamment en matière de droit. puisqu'il est dit que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Absolument, mais les juristes... Mais ça veut dire que comment on se dépatouille avec cette question ? Les juristes sont en train d'essayer de trouver des façons de régler cette question, mais je dois dire qu'ils sont très embarrassés par les travaux et très intéressés par les travaux empiriques sur cette question. Parce que de plus, il y a un effet en retour de la conviction que vous êtes déterminé. Il y a des travaux scientifiques très très intéressants là-dessus, on présente à des participants un exposé leur expliquant, écoutez, vous êtes déterminé, ce que vous faites, ça dépend de vos états cérébraux, du contexte, de votre la façon dont vous avez été élevé, etc. Et ces sujets sont alors invités à faire une tâche quelconque, où ils ont la possibilité de tricher. Et les sujets qui ont été exposés à un tel récit, par opposition aux sujets qui ont été exposés à un récit neutre, vont faire beaucoup plus d'infractions et de mensonges que les autres. Donc c'est très dangereux de dire aux gens, attention, vous savez, c'est pas de votre faute, vous êtes déterminés, parce que du coup, vous favorisez un certain type de libération des comportements impulsifs, des comportements en particulier... Alors vous savez, en physique quantique, c'est un peu hors sujet, mais on invoque parfois, même souvent, des états qu'on appelle superposés. Et puis quand on fait une mesure, l'indétermination est levée par le hasard, qui fait que c'est tel résultat qui apparaît plutôt que tel autre, alors qu'initialement les deux étaient possibles. Est-ce que, au moins par analogie, la physique quantique sert parfois d'explication à la prise de décision dans le cerveau ? Alors c'est un sujet qui est débattu, mais en fait... La plupart des philosophes sont hostiles à cette compréhension de la liberté parce que si notre acte libre est dû à un saut quantique dans quelque chose qui est tout à fait imprévisible, y compris par le système lui-même, ça n'ajoute pas la liberté au système, ça en retire. Parce que ce qu'on peut considérer comme libre, c'est un acte qui est au moins partiellement contrôlé par le système. Alors que là, il n'y a plus de contrôle, c'est le hasard. C'est le hasard. Alors, le contrôle dont nous parlons, il n'est pas libre intégralement, en ce sens que le contrôle dépend de paramètres qui ne sont pas aux mains de l'individu isolé. Par exemple, si vous avez appris à faire telle ou telle activité, vous pourrez en effet la faire. Mais si le monde veut que vous n'ayez pas pu l'apprendre, vous ne pourrez pas la faire. Donc où est votre liberté de la faire quand vous n'avez pas eu la chance d'avoir l'enseignement de cette activité ? Donc vous voyez, la notion de liberté quantique me paraît problématique. Une autre question qui va nous amener d'ailleurs à la question de l'école, enfin de l'éducation en général, c'est qu'est-ce qui se passe dans un esprit, chez un sujet, lorsqu'il croit moins à la liberté de vouloir et d'agir, quand il ne croit plus à ses capacités d'action et puis de réflexion même. Ah ben, si ce qui se produit me paraît relativement facile à comprendre, c'est-à-dire que sa propre conception de lui-même change. Hein, je me sens comme totalement déterminé, je n'ai pas à lutter pour appliquer mes propres valeurs, puisque ce sont de toute façon des considérations... causales qui vont, enfin c'est même pas des considérations, ce sont des mécanismes causaux qui vont expliquer mon raisonnement. Donc le sujet n'a plus à investir sur le concept de lui-même, ni favoriser certaines valeurs plutôt que d'autres. Alors, il se trouve, Joël Proust, que dans une vie antérieure, je me suis intéressé à la question de l'évaluation à l'école, et en effet, en écoutant des experts, on a appris que quand un élève reçoit un zéro en maths, il s'identifie à sa note, il pense qu'il est nul en maths et que les mathématiques ne pourront plus jamais entrer en lui. Et donc ça a des effets ravageurs. C'est-à-dire qu'il va produire des performances qui sont en relation avec la réputation qu'on lui donne. Absolument, ça c'est tout à fait important. Nous sommes à une époque où les études métacognitives ont pris acte des conditions environnementales de la métacognition. C'est-à-dire qu'un élève à qui on répète qu'il n'est pas bon va se concevoir comme pas bon, et donc considérer qu'un certain nombre de tâches ne sont pas pour lui. Définitivement. Donc son cerveau fait des prédictions sur la base des retours, hein, c'est la notion de feedback. Le feedback étant mauvais, le calibrage se fait là-dessus, et l'élève ayant très peu confiance sur la base de ce feedback sur ses capacités de réussite, va ne plus tenter de s'engager dans la tâche. Alors, la recherche contemporaine a étudié ce phénomène de très près, en particulier aux États-Unis. Carol Dweck a proposé cette notion de « mindset », état d'esprit, qui est en fait la conception que chacun se fait de sa propre intelligence. Dans le mindset fixiste, on est persuadé que l'intelligence qu'on a, elle est là de façon innée. Elle ne se travaille pas. Elle ne se travaille pas, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Évidemment, c'est une illusion totale de penser ça. Ça n'est pas le cas, ça n'est jamais le cas. Si on peut parler d'intelligence, c'est en tout cas le résultat d'apprentissage. C'est quelque chose de flexible et qu'on peut modifier en fonction des acquisitions que l'on fait au fil du temps. Donc la notion de flexibilité est centrale à communiquer à l'élève. Alors ce que l'école ne parvient pas toujours à faire, mais quand même beaucoup d'enseignants aujourd'hui l'ont compris, mais elle ne parvient pas toujours à persuader l'élève que l'état d'esprit qu'il a sur la tâche est une des clés de son succès. S'il s'investit en pensant qu'il peut la faire, il finira par la faire. Et en fait, il y a des statistiques montrant qu'on devient bon en maths quand on a consacré tant d'heures à faire des maths. C'est pas un don particulier. La réussite n'est pas immédiate, elle demande un certain travail et pour le faire, il faut croire en soi. Exactement, il faut croire qu'on pourra le faire. Joël Proust, qu'est-ce qui fait qu'un élève à l'école peut sentir à l'avance que l'investissement qu'il va faire dans une certaine tâche pourrait être efficace? Oui, alors c'est une question très importante en prédictif. Alors comment est-ce qu'on prédit? On prédit évidemment sur la base de cette fameuse théorie naïve de l'intelligence, qui est quelque chose qui a été inculqué en général par la famille, même avant l'école. C'est dans la famille qu'on dit « Ah, ce garçon est très intelligent ». Et en fait, c'est pas très très bon de dire ça à un enfant, parce que du coup, il va devoir protéger ce sentiment d'être intelligent en n'allant pas vers des activités qui pourraient menacer le sentiment qu'il a de l'être. Bon. Mais il y a un autre aspect dans la confiance en soi qui est très intéressant, qui est ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. C'est une notion qui a été développée par les travaux de Bandura depuis déjà une vingtaine d'années. Il y a des chercheurs qui progressent sur ce thème de l'efficacité personnelle en permanence. L'efficacité personnelle, c'est la capacité, c'est la représentation qu'on a de sa propre capacité à réussir dans une matière donnée. Alors, on sait bien que ce sentiment d'efficacité, il est hautement dépendant de contraintes, enfin de représentations sociales, et en particulier de genre. C'est-à-dire que les filles sont persuadées de pas être bonnes en maths et les garçons sont persuadés de pas être bons en français. Et en réalité, Pascal Huguet et son équipe a montré que lorsqu'on habille une tâche comme une tâche de maths, les filles vont être moins bonnes, en effet, dans leur performance que les garçons. Tandis que quand on habille la même tâche comme une tâche de dessin, c'est une tâche de géométrie ou de dessin, mais là, elles sont meilleures que les garçons. Donc on accomplit des performances qui sont à l'aune de la réputation qu'on a. C'est-à-dire même inconsciente. Le sentiment d'efficacité va déterminer l'effort que vous consacrez à une tâche. Et donc, en effet, les notes vont s'en ressentir. Si vous pensez que, de toute façon, vous n'êtes pas bon dans une tâche, vous n'allez même pas consacrer l'énergie nécessaire pour acquérir de l'information et progresser dans cette tâche. C'est-à-dire que des stéréotypes sont intégrés. Et comment faire pour les expulser alors des... Eh bien, il faut les combattre. Il faut les combattre, et très tôt, dès la maternelle. Je sais que ça a été, bien sûr, un sujet de controverse en France, mais on est obligé de faire cela pour permettre à toutes ces jeunes filles qui pourraient être de brillantes mathématiciennes ou des ingénieurs d'avoir une carrière qui correspond à leur goût. Et leur goût, ne pas les orienter d'une façon genrée, d'une façon stéréotypique. Quand vous êtes donc au Conseil scientifique de l'éducation nationale et qu'on vous demande de travailler la question de la confiance en soi des élèves, quelles seraient les mesures, je sais que votre travail n'est pas achevé, mais quelles seraient les mesures que vous proposeriez? Oui, loin de là, nous sommes en train de réfléchir sur ces mesures, donc je ne peux pas vous en donner comme ça, clé en main, immédiatement. Mais ce que fait la recherche internationale est quand même très, très intéressante. Les quelques travaux en particulier qui sont destinés à supprimer les inégalités devant l'école, parce que c'est ça le drame en France. Et nous avons un des taux d'inégalité les plus élevés, comme le révèle le rapport PISA. Et quand on s'intéresse à cette question, eh bien, on voit que l'origine sociale détermine très largement le taux de confiance que l'on a de pouvoir exécuter des tâches difficiles. Donc ça questionne le système. Il faut que le système prenne en compte ces inégalités, les prenne en compte au sens où montre aux élèves, quelle que soit leur origine, que l'école est pour eux. Eh bien, vous reviendrez à nous en parler, Joël Proust, lorsque votre travail sera achevé, que nous pourrons connaître vos propositions. En attendant, je vous remercie d'avoir dépensé un peu de votre temps pour nous aider à comprendre ce que nous faisons lorsque nous pensons. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Jean-Michel Bernot et à la réalisation François Connac. Suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Honodibio pour le temps des écrivains.